الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le vers précédent, on a fini le deuxième chapitre de ce livre qui était At-Tahara wa Salah. Bon, évidemment, on y a cité des points essentiels. On n'a pas cité tout ce qui est relatif à la purification. On n'a pas cité tout ce qui était relatif à la salat. Mais ce qui était dit, à la base, est suffisant pour faire les choses de façon valide. Après, la personne peut ajouter un ilm, et puis elle a de détails, et puis elle peut parfaire ses adorations, évidemment. Donc l'auteur, lui, il a voulu par là donner une grande approche. Il n'a pas voulu rentrer, parce que sinon c'est des volumes entiers. Quand tu rentres dans la purification, quand tu sais tous les détails, les divergences qui s'ensuivent, tu vas faire un volume entier, même plusieurs volumes. Et là, ce n'était pas le but de l'auteur. Non. Mais l'essentiel, alhamdoulilah, a été dit. Donc là, aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau chapitre, troisième chapitre de cette vingtaine. La Chalinat, et on va prendre maintenant le chapitre, lui, qui parle des Afkar. Les Afkar, c'est-à-dire 20 hadiths qui parlent des Afkar à faire, et en quelle occasion les faire, et que dire. Fayqul, Farisan, Qabz, Mukhtar, min Sahih al-Afkar. Donc là, c'est il va citer, c'est un choix particulier pour certains afkars. Il y en a beaucoup d'afkars, énormément. Il va citer ce qu'on doit donner aux principaux moments de la journée dans nos principales activités. Et le zikr, قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Dans le Coran, il a dit et évoquez-moi, je vous évoquerai. Et remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats. Et dans maintes ayat, Allah Azzawajal nous appelle à le remercier, remercier ses bienfaits, et met en garde contre le fait de renier ses bienfaits et de l'ingratitude dont l'être humain peut faire preuve, dont il faut énormément preuve. L'être humain, dans son ensemble, d'accord, n'auront pas Allah son droit. Donc ça, c'est une grande ingratitude, et après, dans différents domaines de la vie, entre les individus également. يقول العلامة عبد الرحمن بن السعدي فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء. Donc là, c'est l'imam Sa'adi, dans le tafsir de ce verset, il dit que Allah a ordonné de l'évoquer. Et pour celui qui agit de la sorte, il aura la meilleure des rétributions. Il lui a promis la meilleure des rétributions. C'est que Allah t'évoque, vu que toi-même tu l'évoques. Là, ce n'est pas ton voisin qui parle de toi, ce n'est pas un tel ou un tel. C'est Allah Azawajal qui t'évoque. C'est extrêmement valorisant. C'est la meilleure des choses qui peut arriver en ce bas monde. Je t'évoque, mais en bien, évidemment. كما قال تعالى على لسان رسوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Il a dit Nabi صلى الله عليه وسلم dans un hadith qudsi que Allah il a dit celui qui se rappelle de moi en lui-même, je me rappelle de lui également en moi-même. Ou le nefs, c'est une sifat d'Allah عز وجل, le nefs, et de l'ulama dit c'est ذات, c'est son essence. Et celui qui m'évoque dans une grande assemblée, je l'évoquerai également dans une assemblée meilleure encore, c'est-à-dire auprès des malaïkas. Et le zikr, par contre, se fait obligatoirement, il faut que les lèvres bougent. Tu n'es pas obligé de lever la voix, mais il faut que tes lèvres bougent. Un matin comme ça, tu ne bouges pas, tu es inerte. Tu dis qu'est-ce que tu fais? Tu dis j'évoque Allah Azzawajal. On dit non. On va dire, tu penses à lui, c'est bien, ainsi de suite. Mais un zikr shar'i, il faut que tes lèvres elles bougent, même si on n'entend pas ce que tu dis. وذكر الله تعالى أفضله ما توطأ عليه القلب واللسان هو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه والذكر هو رأس الشكر ولهذا أمر به خصوصا ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال واشكروا لي. La meilleure chose qu'une personne puisse faire, car le zikr, ça englobe plein de choses. Le zikr peut se faire par des simples formules, et toute adoration est un zikr, quand tu t'appelles dans l'Azawajal, et le Coran, c'est un zikr. Et ce qu'on fait là actuellement, le ilm, c'est du zikr. Tout ça, c'est dans le zikr. Et tu as le zikr qui est le tasbih, le tahlil, le tahmid, le takbir, ça aussi, c'est zikr. Donc, la meilleure chose que tu peux faire, c'est te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela t'emmène à le connaître et à l'aimer. Et à augmenter ta récompense. Et il dit que un dhikr, c'est on va dire, c'est le sommet du remerciement. C'est pour cela qu'Allah azawajal nous a ordonné de le faire. En particulier. Dans le verset, il a dit, après, au début, c'est Fadkuruni Afkurukum. Évoquez-moi, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Et après, il a dit Washkuruni, et remerciez-moi. Hey, alama an'amta alaykum, alama an'amtu alaykum bihadi ni'am, de ce que je vous ai accordé comme bienfait. Wadafartu ankum sunuf al-naqam, que j'ai repoussé de vous, justement, bien des malheurs. Washkuru yakun bil qalb, wa ikrar bin na'im. واعترافا باللسان ذكرا وثناء بالجوارح. Donc ce ذكر, ou plutôt le شكر, cela se fait en premier lieu. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc il dit le ذكر, ou plutôt le شكر. Ah Mehdi, خير لله. مرحبا. Donc il dit le شكر, en premier lieu, se fait par cœur. Le fait de reconnaître et d'admettre le bienfait. Puis, cela doit être prononcé par la langue. Et cela comment? En faisant l'éloge de ce bienfait que tu as reçu, que tu as reconnu. Et également par les jawarih, par les membres. C'est-à-dire qu'en agissant en conformité avec ce bienfait, dans le bien. Ce qu'Allah Azawajal t'a donné comme bienfait, au fond de toi, tu l'admets, tu en es content avec ta langue. Tu les prononces et avec tes actes, tu agis en conséquence dans le bien. Ça, c'est le choc. Ta'atanillah wa inqiyadan amrihi. Cela pour obéir à Allah et se soumettre à son ordre. Wa shinaban minahihi, en s'éloignant de ses interdits. Fal shukru fihi baqa an-ni'ma al-mawjuda wa ziyadat fi an-ni'am al-mafquda. Donc ce chic, ce choukr permet de faire perdurer le bienfait qui est présent. Et d'amplifier les bienfaits qui pourraient être perdus. Donc le choukr, c'est une cause pour qu'Allah Azzawajal te donne encore plus. Dans le Coran, il a dit Rabbukum. Quand ton Seigneur a proclamé, si jamais vous me remerciez, je vous rajouterai. Donc on doit toujours remercier Allah Azzawajal. Et le minimum que l'on puisse faire, et qui est un niveau très grand, c'est le dhikr, se rappeler de lui, les évocations. Et il y a plein de bienfaits derrière, il y a plein de sagesse, même pour nous. Taïb. Qal. Donc là, on va prendre le premier hadith de ce bab, qui est le 41e du kitab. Al-dhikr, inda al-istiqaz min al-nawm. Donc maintenant, c'est le dhikr que l'on fait en se réveillant. Parce que là, c'est comme ça que la journée commence, enfin la journée. Ouais, tout cycle journalier commence par quoi? Par le réveil. Donc, dès le début, ça commence par ça. يقول عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه في الليل وضع يده تحت خده ثم يقول بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. Donc, selon Hudhayfa, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prenait, il allait dans son lit pour dormir la nuit, il mettait sa main sous sa joue. Puis il disait, ce qui implique qu'il se couchait sur le côté. Puis il disait, par ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. Et lorsqu'il se réveillait, il disait, louange à Allah, celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que sera le retour. Rapporté par le Bukhari. Donc, deux simples formules avant de s'endormir. C'est le minimum. Il y a d'autres afkar pour avant de dormir, il y en a plein. Bon, entre autres, il y a celui-ci. D'accord? Quand il dit Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ça, c'est très facile à retenir. Et en se réveillant, Alhamdulillah allazi ahyana ba'd ma amatana wa ilayhi an-nushur. Très facile. Donc la dernière chose que tu fais de ta journée avant de dormir, c'est quoi? Tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. La première chose que tu fais en te réveillant, c'est quoi? Tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Si jamais tu perdures là-dessus, c'est un bienfait immense. Le seul but de ne pas oublier Allah Azza wa Jal. Si tu ne l'oublies pas, cela te mettra plus à même de lui obéir. D'accord? Et si jamais tu ne l'oublies pas, tu l'évoques, Allah Azza wa Jal t'évoque également. Donc il dit Arawi Huzayfa ibn al-Yaman, Husayl ibn Jabir, Abu Abdullah al-Absi. Et son entier. Et lui, son père, se sont convertis. Je crois que c'est Hassil, je pense que c'est Husayl. Et il a voulu participer à Badr, mais les deux, lui et son père, ont voulu participer à Badr, qui était la première bataille des musulmans. Cependant, il n'a pas pu le faire. Les mouchidikoun ne l'ont pas laissé. Et également, attends, c'était à quel? À Uhud. Ils ont participé à Uhud. Et lors de la bataille de Uhud, le père de Huzaïfa a été tué par les musulmans. C'était une bavure, en fait. D'accord? Les musulmans ont cru que c'était un mouchélique. Il y a eu, vous savez sûrement, dans les rencontres entre les troupes, des fois, tu ne distingues pas qui est qui. Et son père, Huzaïfa, a été tué par les musulmans. D'accord? Malgré ce. Il leur a pardonné. Parce qu'il savait qu'il n'a pas fait exprès que dans le feu d'action, c'est des choses qui peuvent arriver dans les conflits. Également, c'est le jour où c'est un homme que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a nommé et a envoyé le jour où personne ne voulait se déplacer lors d'une nuit sombre et froide, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Qui va voir ce que font les ennemis et me rapporte leurs informations ?» Et là, les sahaba qui étaient présents se regardaient et personne n'avait bougé. Et après, il a dit « Celui qui va là-bas sera comme ça avec moi au Jannah. » Regardez ce qu'il dit comme récompense. Et pourtant, ils n'ont pas été. Il faisait froid. Il faisait sombre. Ils avaient peur. Et sûrement qu'ils avaient faim. Ce sont des êtres humains. D'accord? C'est-à-dire, ils voulaient le faire. Mais en tant qu'être humain, c'était dur pour eux. Et le Nabi Sallam n'a pas dit. Il a dit qui? Alors, en fait, il propose. Et après, il a dit Hudhayfakum. Et là, il a dit ah. Quand il a dit mon nom, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix à ce moment-là. Et là, il est parti. Sinon, dans ce hadith, c'était encore dans quel sens lorsque des gens disaient à Hudhayfa, ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être à votre époque, parlez-vous. Il a dit, c'était si facile que ça. Et là, il évoquait cette histoire-là. Ils ont vécu des choses, les Sahaba, je crois moi bien, eux-mêmes, ils ont eu du mal, mais ils l'ont fait. Ce sont des gens après eux, de moindre rang, qui n'auraient jamais pu faire. Donc, pour te dire qu'en fait, soit content de l'époque dans laquelle Allah t'a mis, parce que tu dis, j'aurais aimé vivre à l'époque des salafs ou tel endroit, tu ne sais pas si tu aurais supporté. Tu ne sais pas si tu serais devenu un munafiq, peut-être même. Tu as des gens aujourd'hui, on a des ordres de la religion qui viennent. Tu vois qu'ils contestent, ils cherchent des issues pour ne pas appliquer. À leur époque, c'était impossible que tu fasses ça. Impossible. Et là, tu as le Nabi devant toi, tu as la révélation qui descend. Tu n'as pas d'échappatoire. Soit tu crois, nous avons entendu, nous avons obéi. Mais aujourd'hui, On a entendu, mais on cherche toujours une façon d'amoindrir, de changer ou que ce soit. Voilà. Donc, Allah dans sa hikmah, il a mis chacun l'époque qui lui convient. Nous, notre époque, c'est l'époque qui nous convient. On a été plus tôt, ça n'aurait pas été connu, peut-être on a fait des catastrophes. Et ainsi de suite. Donc, le muhim, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Hudhayfa, et Hudhayfa a obéi. Et d'ailleurs, Hudhayfa, c'est un sahabi qui a apporté beaucoup de hadiths sur les fitan, à les troubles. Il a dit, quand tu as salué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kananas yasaluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr wa ana kuntu as'aluhu an al-shar makhafat an aqa'a fihi. Il a dit, les gens interrogeaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, moi je l'interrogeais à propos du mal. Pour quelle raison? Par peur de le tomber dedans. Aujourd'hui, les gens, tu exposes des choses qui sont liées au mal, tu les avertis, dis c'est des fitnes, faut pas en parler, c'est des mal. On dit, hey, si tu ne fais pas ça, le mal, si tu ne le connais pas, tu vas tomber dedans. On ne te dit pas d'apprendre le mal pour faire du mal. Au contraire, on te parle du mal pour t'avertir. Donc, quand il y a une chose qui arrive dans ta vie de musulman, ou même des fitnes dans la darwa, apprends à écouter ce qui se dit. C'est pas dans ton coin, je ne sais pas que tu vas tomber dans le mal directement. Et le but, justement, c'est que tu ne tombes pas dans la fitna. D'accord? T'as des gens qui ne rentrent pas dedans. En rentrant pas dedans, tu vas tomber dedans les pigeons. Parce que tu ne sauras pas qui a raison, qui a tort. Quand tu ne sais pas qui a raison, qui a tort, eh ben, tu vas défendre celui qui a tort. Et tu vas t'en prendre à celui qui a raison, sans même te rendre compte en disant, moi, je ne voulais pas savoir. Ça se veut dire. Et il y a des moments, le musulman, il prend des positions, c'est inévitable. Tu vois, tu as un haq, tu as un batil, tu dois secourir le haq. Et si tu ne peux pas le secourir au minimum, tu ne t'y opposes pas. Et comment t'y opposer ou secourir quand tu n'arrives pas à distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais? Tu ne peux pas. Et tout ça rentre dans le djihad, évidemment. Et Huzaïfa, donc, a été par la suite mis comme dirigeant sur une île qui s'appelle El Madain. Je ne sais pas si c'est le djem de Médina, des villes, ou c'est un île qui s'appelle El Madain, je ne sais pas. Il était gouverneur là-bas, sous le gouverneur de Omar, jusqu'à ce qu'il meure en l'an 30. C'est-à-dire Omar. Attends. Ah, faut être, non. Lui, en l'an 30, il est mort en l'an 30, et cela quand? Après le meurtre de Othman, au début du califat de Ali. Il était gouverneur sur Al-Madain. Voilà, quand même. Donc c'était à l'an 30. Taïe. Donc maintenant, pour revenir au hadith, on a dit, il est akhada madja'ahu. C'est-à-dire, madja'ahu, c'est prendre, aller au lit. Aller au lit pour dormir. Et dans le hadith, il dit, mnel-layl. Donc ce n'est pas la sieste. On appelle qailoula. Là, c'est le sommeil de nuit, qui est le meilleur sommeil qui soit. Libasa. Et que la nuit, c'est un vêtement. Et la nuit, le jour, c'est un moment pour vivre. Ça veut dire que de base, on a été créé pour se reposer la nuit. La nuit, c'est un moment de repos. Quand Allah wada'a yadahu, il mettait sa main droite, donc celle-ci, sous sa joue gauche. Ce qui implique qu'il était allongé sur, hein, sur le côté droit. D'accord. Donc la sunna, c'est dormir sur le côté. Et il est réprouvé, makrouh, de dormir sur le ventre. Il y a un hadith qui est venu, mais le hadith n'est pas authentique. Que dormir sur le ventre, c'est la position des gens de l'enfer. Le hadith, il est faible. Malgré tout, les ulama disent que dormir de la sorte, c'est mauvais. Déjà, médicalement parlant, les médecins le réprouvent. C'est pas bon pour toi. Voyez? Et c'est une position qui te fait dormir peut-être plus qu'il n'en faut. Et c'est une position, c'est vrai qu'elle n'est pas belle à voir. Quand tu vois qu'il est sur le ventre, il a fallu comme ça. Ça veut dire, ça fait vraiment, je vais dormir et voilà, il y a rien qui, pour moi qui compte, c'est-à-dire, tu n'es pas prêt à te réveiller, s'il faut se réveiller, tu n'es pas prêt. Tu vois? Donc, tant qu'on peut éviter de dormir sur le ventre, il y a des gens qui disent, j'y arrive pas. Ils disent, fais l'effort, essaye. Et tu vois, tu t'habitues au bout d'un moment. Tu vois? Tu t'habitues. C'est-à-dire, même dans la façon de dormir, on a une façon de faire qui est recommandée. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'arrivée. Et en même temps, c'est un rappel. Si tu sais que tu dors sur le côté, qu'est-ce que tu as fait? C'est un dhikr que tu as fait. Après, dans la nuit, il faut que tu te bouges, t'es des fois, on bouge dans la nuit, on ne s'en rend pas compte. Mais avant de dormir, tu as fait l'effort de te mettre sur la droite. Et éviter de dormir sur le ventre. Après, c'est pas haram, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc, il disait Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ton nom, oh Allah, je meurs et je vis. C'est-à-dire que je m'endors en recherchant de l'aide auprès de toi, en recherchant ta protection, en espérant que tu me prémunises. Ainsi de suite. Et quand il dit Allahumma amutu wa ahya, je meurs et je vis, cette mort, c'est laquelle? C'est al-maut sughra. C'est la petite mort qui est le sommeil. Car lorsque tu dors, tu es comme un mort. Tu es inactif. D'accord? C'est vrai que tu es, dans le sens, tu peux rêver, avoir des sensations ou quoi, mais tu es comme un mort. Donc le nom, Sumiyabi al-maut sughra. Et il se peut que tu t'endormes, tu ne te réveilles jamais. Allah, parce que quand on dort, il nous prend notre âme. Notre âme, elle s'élève. Et après, Allah, elle ramène l'âme dans le corps pour se réveiller. Et tu as des gens, leur âme ne revient pas. Ils meurent dans leur sommeil. Quand s'il se réveille, il dit Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Donc lorsqu'on se réveille, on dit louange à Allah, celui qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir. Donc on appelle ce nom, hein, et une petite mort, une mort minable. Et là, tu loues Allah Azawajal de t'avoir ramené à la vie. Donc dès que tu te réveilles, c'est un bienfait, tu dis je suis réveillé, je suis vivant, un jour de plus. Ou si j'ai fauté, je peux me rattraper. Et si jamais j'ai pas fait assez, je peux rajouter. Et si jamais j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, bon, ça c'est pas trop notre cas, ça sera un jour de plus à mon actif. Donc la vie reste toujours pour toi une source d'espoir. Donc quand tu te réveilles le matin, bah, tu es content. Là, les gens ils disent, ouais, des fois tu parles de par rapport à quand on parle de Yom al-Qiyamah, du jugement, il dit, ouais, mais j'ai pas demandé d'être présent moi pour vivre. Allah m'a mis là, j'ai pas demandé à vivre. Tu vois, on dit, si demain on va menacé de mort, tu vas tout faire pour pas mourir. Donc tu es content de vivre. Donc remercie Allah d'être vivant. Après, tu as des gens qu'on connaît, sont faibles d'esprit, ils veulent se suicider. Alors, ça, c'est autre chose. Mais sinon, les gens, ils disent, ouais, j'ai pas le monde. Vous êtes là, on dit, bah, vas-y, pars, on va partir. Ils se battent matin et soir pour avoir la dounia, ce qui fait, ça prouve que tu aimes être ici. Tu apprécies. D'accord? Tu apprécies la bonne voiture, tu apprécies les beaux vêtements, tu apprécies toutes ces choses, parmi elles, c'est ce qui est halal, ce qui est haram, c'est-à-dire que tu aimes la vie. Et là, la plupart des gens vont te dire, le plus beau cadeau qu'on ait en ce moment, c'est la vie. Quand un enfant est né au monde, on n'est pas heureux? Parce qu'on a dit, ouais, quoi il est là, lui? Il n'a pas demandé à être là. Tu es heureux quand tu as un enfant qui est au monde, même tu vois l'enfant de quelqu'un d'autre. Une femme à l'accoucher, tu vois un bébé. C'est une source de joie. Il vient à la vie. Après, nous, on sait ce qu'il attend. En gros, dans le sens qu'on l'attend, la dounia, il va grandir. Là, c'est un bébé, c'est mignon, c'est gentil, c'est innocent. Mais il va grandir. Mais quand il vient au monde, c'est merveilleux. Parce que la vie, c'est la plus belle chose qu'Allah peut te donner en ce bas monde, de façon générale. Et en particulier, ça va être l'islam. Et en plus de cela, l'islam authentique, la bonne aqida. Mais pour avoir l'islam et la bonne aqida, il faut que tu sois vivant. Faut que tu sois présent, en premier lieu. Donc, ce hadith va nous enseigner que dire avant de dormir et que dire en se réveillant. Première chose qu'on va faire, c'est se frapper dans l'Azawajal. Et première chose que l'on fait, frapper dans l'Azawajal. Il était interrogé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a dit, un homme a dit qu'il y a beaucoup de choses en islam qui sont venues, dans le sens, tu ne sais plus trop quoi faire, comment le faire. Donc, indique-nous une chose générale et simple à faire à laquelle on s'accroche. Elle a dit que ta langue soit tout le temps en évocation d'Allah Azawajal. Tu arrives à faire ça, le reste sera facile également. Yaqul fawaid al-hadith. Istihbab wad' al-yad al-yumna taht al-khadh al-ayman 'inda al-ittijaa' lin-nawm, qu'il est recommandé de mettre sa main droite sous la joue droite pour dormir. ثانيا استحباب الدعاء للاتجاه للنوم بقول بسمك اللهم أموت ويحيى qu'il est recommandé de faire comme dua. Là c'est un zikr, c'est un dua, parce que des fois tout dua est un zikr et ce n'est pas tout zikr qui est un dua. Faut bien se mettre ça en tête. Quand tu fais un dua, c'est un zikr. Comme tout acte d'adoration, c'est un zikr. Mais tu as des adhkar khas, c'est pas le dua. Quand tu dis Masalen Allahu Akbar, c'est une demande, non? Ça rappelle, ça c'est un zikr, c'est pas un dua. quand tu dis Alhamdulillah, c'est un zikr. Voyez? Wakaza. Donc il est recommandé de dire cela avant de dormir. Thalithan istirbab qul Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Qu'il est recommandé de dire louange à Allah, celui qui nous a redonné la vie, après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui qu'est le retour. Et cela lors du réveil. Aujourd'hui, après notre réveil, la première chose qu'on fait, c'est ça. Avant de dormir, la première chose qu'on fait, c'est ça. Téléphone. Moussiba. Tout est fait pour cette distraction pour nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول رابعا أن النوم يسمى موتة et que le sommeil est nommé mort. خامسا أن النوم يذكر بالموت والاستيقاظ منه يذكر بالبعث بعد الموت. Donc regardez la belle comparaison, c'est que avant de mourir, c'est une chose qui te rappelle quoi? La mort. Et le réveil, c'est une chose qui te rappelle quoi? La résurrection. Les choses qui vont, on va avoir. On va avoir. Et regardez bien, souvent, je sais pas si ça vous arrive, beaucoup de croyants, lors du sommeil, des fois tu es pris d'une frayeur. Tu te rappelles de la mort, tu te rappelles que tu vas être devant Allah Azzawajal, tu te rappelles que le feu existe. Toutes ces époques, tu arrives au Kiyama et tu pries une grande peur. Et ça, généralement, ça arrive quand? Quand tu dors ou avant de dormir. Quand tu te réveilles de ton sommeil, tu arrives comme ça, d'un seul coup, tu te réveilles, tu penses à ça. Ça, généralement, ça arrive pas dans la journée. Et quand ça te prend le cœur et tu sens comme une forme de frayeur, de crainte de ce jour-là, ça, généralement, dans le nôme, ça t'arrive. Au moment où tu te réveilles, comme ça. Car ce sommeil, c'est un moment, comme on l'expliquait, où tu meurs. En gros. Yaqul al-dhikr inda dukhul al-khala. Donc maintenant, c'est le rappel, le dhikr à faire lorsqu'on rentre aux toilettes. Et là, le khala, là-bas, c'est le lieu de défection. Parce qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas des toilettes comme nous maintenant, où c'est fermé, tout ça. Ils allaient dans la nature. D'accord? Ils avaient un... Il n'y avait pas dans les maisons. Ou alors, s'ils avaient, c'était une pièce à part. D'accord? Et maintenant, aujourd'hui, on a tout qui est aménagé, alhamdoulilah. Mais le khala, c'est le lieu où tu vas faire tes besoins. Mais les toilettes qu'on a telles qu'on les a aujourd'hui, les vestiaires, ça rentre dedans. C'est pareil. Yaqul an Anas ibn Malik. Ah aussi, pourquoi on dit ça? Cet ordre. Parce que quand tu te réveilles en général, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller aux toilettes. En général, c'est comme ça. An Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. Donc Anas, il disait que le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait aller faire ses besoins, il disait, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le khubuth ou le khaba'ith. Khubuth et khaba'ith, ça a été interprété comme étant les shayatines, mâles et femelles. D'accord? Car les shayatines sont dans les lieux tels que les toilettes ou quoi, les lieux où il y a les najasa, les impuretés, les lieux sales. À la base, les toilettes, ce n'est pas un lieu mauvais, c'est un lieu dont on a besoin. Mais c'est un lieu qui est plein d'impuretés. Ah, donc c'est un lieu dans lequel tu ne fais pas salat. Ce n'est pas un lieu dans lequel tu discutes. Quand tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins, tu pars, tu ne parles pas. Ce n'est pas un lieu où tu t'éternises. C'est un lieu où tu fais un besoin, tu pars. D'accord? Et les lieux comme ça, qui sont des lieux à la base qui suscitent de la répulsion, c'est les lieux où le shayatin se réunit. Tu vas trouver dedans, souvent. Donc, avant de rentrer en ce lieu, tu commences par ce zikr. Pourquoi? Pour te protéger du mal qui pourrait se trouver à cet endroit-là. Taïb. Donc, comme on expliquait, même demain, tu vas faire tes toilettes, tu vas faire tes besoins à l'extérieur, tu dis ça également. Tu vas dire, non, je ne suis pas aux toilettes, là, je suis dehors, là, dans un coin ou en voyage, par exemple, tu le dis quand même. Malgré tout. Voyez, tu le dis quand même. يقول الشرح الإجمالي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أماكن خبيثة فهي مأوى الشياطين لأنهم خبث يألفون الخبيث والخبيثون للخبيثات كما قال تعالى. Donc les lieux qui ont été aménagés pour faire les besoins sont des lieux khabith. À la base, khabith, ça peut être mauvais, ça peut être infect, c'est une chose qui n'est pas bonne. Donc c'est un lieu où se retrouvent les shayatines. Car ce qui est mal appelle au mal. Dans le Coran, il a dit les mauvais pour les mauvaises. Et ça, c'est une chose qui est générale. Ce qui est mauvais va attirer les gens mauvais. Et les choses bonnes vont attirer les personnes bonnes. Tu verras même les gens quand ils marchent ensemble, ceux qui s'allient, hein, ils vont s'allier avec des gens qui leur ressemblent, à qui se sentent bien. Les gens qui sont mauvais vont aimer les mauvais. Et les gens qui ont un tempérament différent vont s'approcher d'une personne qui est d'un tempérament similaire au leur. C'est comme ça. Donc c'est pareil, les lieux mauvais vont attirer les mauvais. Les messagides, ça attire les muslimines. Les boîtes de nuit, ça attire qui? Les gens mauvais, même parmi les muslimines. Quelqu'un qui est moustakim, il n'a pas en boîte de nuit. Tu auras un muslim qui va en boîte de nuit, c'est quelqu'un malade, qui fait des péchés. C'est un mauvais muslim. Et tu as d'autres lieux, ça attire les bonnes personnes. Ainsi de suite. Et bien c'est pareil pour les shayatin. Les lieux de défection sont des lieux qui attirent les shayatins. فكان من المناسب أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى عند دخول الخلاء فيسأله العصمة من الشياطين ذكرانهم وإناثهم أو ذكرانهم وإناثهم أو من الشر وأهله. Donc, lorsque la personne va dans ce genre d'endroit où il y a du mal, c'est une occasion pour lui de se réfugier auprès d'Allah Azzawajal, car il y a quelqu'un qui peut te protéger à ce moment-là. Donc il demande justement une protection contre les shayatines, mâle ou femelle, ou contre le mal et ses gens. Car le khubz ou le khaba'ith a été également interprété comme étant le mal, les gens du mal. يقول فوائد الحديث أن الشريعة الإسلامية شاملة لجميع الآداب النافعة. Donc là, l'éducation islamique regroupe tous les bons nobles caractères, les bonnes choses à faire, les bonnes attitudes à adopter. ثانيا مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة بقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Qu'il est légiféré d'invoquer lorsqu'on rentre dans les lieux de défection pour faire ses besoins. De dire اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثالثا أن جميع الخلق مفتقرون عفوا إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم وما يضرهم أو يضرهم. Que toute la création est dans le besoin de revenir vers Allah pour repousser tout ce qui pourrait leur nuire. J'ai une question. Je passe. C'est-à-dire qu'il y a seul Allah qui peut le protéger. Tu as des causes qui ont été établies, sans quoi tous les maux, et qui plus est les maux invisibles, c'est vers Allah que tu te réfugies. Et c'est pour ça qu'Allah a mis ce qu'on appelle les afkar, qu'on leur fait, qui sont des causes pour nous protéger. En toute situation, tu vois des gens faire toutes les causes pour se protéger dans la dunya. Sur la sécurité, d'accord, sur les vaccins, sur quand tu prends la route, les motos, le casque, comment tu roules, le code de la route, la ceinture de sécurité, distance de sécurité, partout, les barrières, ce genre de choses. Tout le monde est à cheval sur la sécurité physique, on dit c'est bien. Mais la sécurité religieuse et de l'âme, qui est-ce qui s'en soucie? Seuls les croyants s'en soucient. Et cette sécurité prime sur la sécurité physique. Car ça, ce genre de mots, s'ils te touchent, ils vont te toucher dans ton âme, dans ton dîn et dans ton physique. Alors que le physique, c'est que le physique. D'accord? On ne dit pas qu'il faut tout, il faut protéger. Car l'islam est venu pour protéger la vie et les biens. C'est normal, faire des causes. Mais les causes prioritaires sont les causes religieuses. Donc les askars sont des choses qui sont faciles à faire. Pour tout le monde, c'est des askars que l'on prononce. Des paroles que l'on prononce, d'accord, qui sont plus faciles que bien des choses que l'on fait aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et tout ça, c'est pour notre bien. Parce qu'il y a des choses autour de nous qu'on ne voit pas, de l'invisible. Allah, dans sa rahma, fait qu'on ne le voit pas, sinon on deviendrait fou. Et ces askars sont là pour nous protéger. Des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, là, Allahumma a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Avant d'entrer toi, là, tu ne sais pas ce que tu rentres, tu as juste une cuvette, chasse d'eau, voilà. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a, des choses que tu vois pas, des yeux qui se déroulent là-dedans. Tu ne le vois pas, toi. Et bien, par ce dos, Allah, t'en le protéger. Biznillah ta'ala. يقول أن الأمكنة أن الأمكنة النجاسة والكثرة تأوي إليها الشياطين وتقيم فيها كليمليو دابيورتي للساكتيس ديليو كي سون ديوفيش بور الشياطين. خامسا إثبات وجود الجن والشياطين وإنكارهم الضلال وكفر. Cela affirme la présence des djinns et des shayatins et que le fait de renier cela est un égarement et même de la mécréance, car tu reviens à démentir la révélation. Et pareil, il y a un hadith qui est venu de Aïcha lorsqu'on sort des toilettes, on dit Rufranak. Ce hadith-là, les savants divergent, est-ce que c'est authentique ou pas, et ils disent de le dire, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, c'est souple. C'est un khilaf qui est souple. C'est-à-dire, si quelqu'un le dit, tu ne peux pas le blâmer. Quelqu'un qui ne le dit pas, non plus. Vous voyez? Non plus. Pareil, quand tu lèves tes vêtements, tu dis Bismillah. Alors, tout le monde, beaucoup de choses que tu fais, tu dis Bismillah. Pour te protéger. Donc, à maintes occasions, on a des askar à faire pour nous protéger. Déjà, on s'appelle dans l'Allah Zawajel, qui est une baraka. C'est une adoration, donc on en tire récompense. Également, ça nous protège de mots qu'on ne comprend même pas, on ne s'imagine même pas. طيب ونقول بهذا الحديث الثالث يقول دعاء الخروج من المنزل. Donc maintenant c'est l'invocation que l'on fait en sortant de la maison. En sortant de la maison. Car là c'est un peu un ordre logique. Tu te réveilles, tu vas aux toilettes et tu vas faire ta vie, tu sors de chez toi. Entre temps, tu as fait des choses chez toi, mais bon, c'est quoi le but après? Tu sors. Par exemple, tu sors pour aller Mosjid, en premier lieu. Ou alors tu sors pour un besoin que tu as. Donc là, c'est le 43e hadith du Kitab, le 3e de ce fasl. Yaqul an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal izi kharaja ar-rajul baytihi faqala bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu hina izin hudi. وكفيتا وبقيتا وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي. وصلوا أنس رضي الله عنه que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit si l'homme sort de sa maison et qu'il dit au nom d'Allah je place ma confiance à Allah et il dit la hawla wa la quwwata illa billah, il lui sera dit à cet homme-là qui a fait ce dhikr, tu as été guidé, tu as été préservé et tu étais protégé. Et Shaitan, c'est le nom de lui. Et dans une version, il a été dit « Anna Shaitan, an yakul Shaitan akhar, kifa birajulin kod hudiya wa kufiya wa ruqiyya. » Un Shaitan dit à notre Shaitan, que peux-tu faire avec un homme qui était guidé, qui est préservé, prémuni et qui est protégé? Tu ne peux rien faire contre lui. Donc le rawi du hadith, c'est Anas ibn Malik. Sa tarjama, on l'a déjà prise auparavant. Donc maintenant, dans les kalimat du hadith, il dit « Izi kharaja ar-rajul ». Donc si l'homme sort de chez lui, et là, quand on dit « rajul », ce n'est pas l'homme mâle. C'est valable pour la femme également. C'est « bab al-taghlib » en fait. Donc au moment où tu sors de chez toi, homme ou femme, « Bismillah » et au nom d'Allah, je recherche de l'aide auprès d'Allah Azzawajal par son nom. Et Allah, wa ismullah al-a'zam. C'est son plus grand nom, c'est Allah. Tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah. Ay i'tamadtu alayhi wa fawwadtu jam umuri ilayhi. C'est-à-dire, je place ma confiance en lui et je confie toute mon affaire à Allah. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, tu sais que tu ne le feras que parce qu'Allah te l'a permis de le faire. Je ne sais pas, tu dis c'est grâce à moi ou grâce à kaza, kaza. Il y a des asbab. Mais ce que tu as pu faire, c'est que Allah t'a permis de le faire. Donc toi, quand tu fais des causes. Tu t'engages à faire des causes, sans savoir que tu auras forcément un résultat. Et le résultat, tu attends qu'Allah te le donne. C'est ce que ça veut dire. Mais les causes, bien sûr, des causes légiférées. Parce qu'il y a des causes légiférées et des non-légiférées. Toi, tu fais les légiférées. Donc ça, le tawakkul, c'est se reposer sur Allah Azawajal pour attirer le bien, repousser le mal, en lui faisant confiance et en faisant les causes légiférées. Et la hawla wa la quwwata illa billah, que personne, Ça veut dire quoi en fait, qu'on traduit souvent par ni de force ni de puissance par là, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire, ni changer de situation à une autre, d'accord, d'amélioration vers mieux ou quoi, sans que ce soit Allah qui te le permette. C'est Allah qui t'a permis de t'es malade, de te guérir, d'accord, de dormir, de te réveiller. Tout ce que tu entreprends, d'aller au masjid, de pouvoir marcher jusqu'au masjid, c'est Allah qui te l'a permis. S'il veut Allah Zawajel, demain t'es paraplégique, tu marches plus. Tout ce que tu fais, c'est Allah qui te permet de le faire. Et tout ça demande quoi? De le remercier pour cela. Quand tu fais des choses bonnes, que Allah Zawajel, il aime, on dit souvent, c'est ça le tawfiq. C'est que Allah te permet de faire ce qu'il aime. Là, t'es muwaffaq. Tu fais ce que Allah Zawajel, il aime. Et ça, c'est que Allah t'a permis de le faire. C'est-à-dire, les gens voudraient le faire, ils n'y arrivent pas. Combien te disent, ouais, j'aimerais aller au masjid, mais quand c'est l'heure d'y aller, ils n'y arrivent pas. Combien te disent, ah, j'aimerais arrêter de faire telle et telle chose de haram, mais ils n'arrivent pas à arrêter. D'accord? Donc, toi, quand tu vois que tu arrives à le faire, ou à délaisser ces choses-là, c'est Allah qui t'a permis de le faire. Donc, ça mérite quoi? Qu'il soit remercié. Donc, il dit, yuqal à ce moment-là, il sera dit à cet homme-là. Et on peut dire que soit Allah qui dit cela, ou soit alors des anges rapprochés qui disent cela, que tu as été guidé, que tu as été prémuni et que tu seras protégé. Et c'est loin de lui. Donc imaginez le nombre de mots dont on est préservé par ce simple zikr en sortant de la demeure. Il y en a d'autres, hein, mais ceux-là sont les plus simples et peut-être les plus profitables à avoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc il dit dans le Sharh al-Jimali, يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسلم إذا خرج من بيته مستعينا بالله وباسمه المبارك فإن الله يهديه ويرشده بعين ويعينه في الأمور الدنيوية والدينية. Donc dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous informe que lorsque la personne musulmane, homme ou femme, sort de chez lui en recherchant de l'aide auprès d'Allah par son nom, Mubarak, Allah le guidera et le dirigera et le soutiendra dans les choses mondaines ou religieuses. Vous êtes tawakkalé à Allah et vous faites quoi? Combien tawakkalé à Allah ou hasbou? Donc, si elle place sa confiance en Allah et confie son affaire à Allah, alors Allah lui suffira. Dans le sens où Allah est dit, et celui qui place sa confiance en Allah, Allah le suffira. Pas besoin de plus. Asbeb, bien sûr, mais pas besoin de plus. ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقاه الله شر الشيطان لا يسلط عليه. Et celui qui dit la hawla wa la quwwata illa billah, Allah le protégera que le shaitan ne pourra s'emparer. ينبغي للإنسان أن يقول كل قضاء شيء من صالحه دينية أو دنيوية. N'oublie pas de faire sa vie chez lui. La personne est exposée à bien. Par exemple, lui, pion, le chien, ou un mauvais coup, une bagarre à côté de toi. Chaque lieu a ses propres dangers. Quoi qu'il en soit, une chose qui t'atteint. Donc, s'il dit cela, il sera protégé dans son parcours. Et que Allah le soutiendra dans ce qu'il va accomplir, les choses qu'il va faire. Musaddadan. Fawajhatihi wa hajatihi. Et qu'il sera, il lui sera permis de faire les choses correctement dans ce qu'il entreprend. Wal abdu la ghina lahu an rabbihi. طرفة عين, et que le serviteur ne peut se passer d'Allah Azzawajal, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Alors, on lit dans un dua, un dua dans l'Azkar du Massa, voilà, takilni le nafsi, tarfat al-ain. Ne me confie pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Car si l'être humain est abandonné, ce qu'on appelle marzoul, à lui-même, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Bien yakoun law hafizan mu'ayyidan wa musaddidan wa hadiyan. C'est-à-dire qu'il espère que Allah Azzawajal le protégera, le soutiendra, le dirigera et le guidera. Il cite un hadith selon Abu Huraira, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit man ma min kharij yakhruju ya'ni mi baytihi illa bi babihi rayatan. Rayatun bi yad malak wa rayatun bi yad shaytan. فإذا خرج لما يحبه الله عز وجل اتبعوا الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخطه الله يسخطه الله اتبعوه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. سبحان الله. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a pas une personne qui sort de chez elle sans qu'à sa porte elle trouve deux étendards. Deux étendards. Un étendard dans la main d'un ange et un étendard dans la main d'un shaitan. S'il sort de chez lui pour faire une chose qui plaît à Allah Azzawajal, il sera sous l'étendard de l'ange. Juste ce qui revient chez lui. Et s'il sort pour faire une chose qui déplaît à Allah Azzawajal, il sera sous l'étendard d'un shaitan. Juste ce qui revient chez lui. Donc là, toi, en faisant, tout simplement, regarde, on dit que tu sors de chez toi pour faire une chose qui soit interdite. En sortant, tu dis, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu vas te rappeler. Allah Azzawajal. D'accord? Et tu vas dire, oh, qu'est-ce que je vais faire là? Ça te freine, ça te fait un rappel. Mais quand tu sors pour faire un haram, en général, tu sors, tu ne penses pas à Allah Azzawajal. Parce que si tu penses à lui vraiment, tu t'arrêterais. Donc quand tu sors de chez toi, tu dis, Bismillah tabakatu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, ça va t'aider à te retrouver sous l'étendard de cet ange pour aller faire une chose de bien. Si tu veux faire une chose de mal, tu rentres chez toi. Tu fais tawba, tu dis qu'est-ce que j'allais faire là? Tu abandonnes. Ou alors tu fais autre chose de correct. J'ai à la place d'aller faire ça, je vais faire ça. À Salam. Mais ça commence par quoi ça déjà? Un simple rappel que tu te dis et qui te réveille dans ton. Dans ta rofla, ton inattention de ce que tu allais faire comme mal. Il y a qu'il fawaid al-hadith. Mashru'iyat al-dhikr 'inda al-khuruj min al-bayt biqawl bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le fait de dire ce dhikr en sortant de la maison. Thaniyan anna man ista'ana billahi wa i'tamada 'alayhi wa fawwada amrahu ila hifdhihi wa que celui qui cherche de l'aide auprès d'Allah Azawajal et se repose sur lui et confie son affaire à Allah, qui le protégera, le soutiendra et lui accordera, on va dire, la réussite. Et la réussite, ce n'est pas forcément comme nous le conçoit. Des fois, quelqu'un dit, oh, je vais faire telle chose, là, j'ai échoué. Tu ne sais pas, ce soir, Allah Azawajal t'a préservé d'un mal. D'accord? Tu ne sais pas. Quelqu'un dit, j'allais faire telle et telle chose, il va dire, ah, je ne sais pas, moi, il sort, il a un examen, il rate. Il dit, pourquoi j'ai fait le zik, pourquoi j'ai raté? Il se demande, tu te trouves en ratant cet exercice, ce que tu as fait là, là tu as préservé d'un mal, tu ne sais même pas que cet examen t'aurait amené un résultat qui t'aurait peut-être mis par la suite. Tu ne sais pas. Toi, tu as fait les causes. Tu es sorti de chez toi, tu as fait ton zikr, tu as fait en sorte de réussir cet examen, on parle d'un examen d'un truc halal, hein, bien sûr, et tu as raté. Alors, ce que tu dis, c'est que je devais rater. J'ai fait ce que j'avais à faire. Alors là, il ne voulait pas que j'ai cette chose-là. Et c'est qu'il y a un bien derrière pour moi que je ne l'ai pas. Ou peut-être plus tard, ou peut-être. Qu'il faut que je fasse plus d'efforts encore. Ça a coupé. Je crois que ça a coupé là. Là, on entend là? Même là? C'est bon? Rabi'an, an man lam yuhafiz ala hadha dhikr, an yakhrujihi min baytihi, fa huwa ardatun lis-su'. Et que celui qui n'est pas assidu à faire ses dhikr en sortant de chez lui, il est exposé au mal, au préjudice et à bien des dangers. Peut-être même de l'égarement. Parce que Shaitan, il vient sur lui. Donc ce dhikr, il est simple, il est court, mais très important. Vous voyez ? لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.